Ami humain, bonjour. Dans la série Société, consommateur, mode d'emploi, les 10 commandements pour passer du statut de COZOT, consommateur zombie télécommandé, à celui de consommateur alerte et conscient. Afin de détruire les idées reçues ou préconçues, les réflexes conditionnés ou le conformisme, en ai-je vraiment besoin? Est-ce que l'utilité justifie l'achat? Probablement aucune autre question appliquée de façon systématique à chaque achat aidera plus une personne à transformer ses habitudes de consommation. Elle peut s'appliquer autant à la visite chez le médecin qu'à l'achat du dernier CD de votre groupe musical préféré. Plus vous la poserez, plus vous réfléchirez en profondeur à ce qu'est un vrai besoin. De quel impact cet achat aura-t-il sur mes enfants, les générations futures? Est-il juste qu'ils aient à payer les pots cassés dans mon insouciance de consommateurs endormis? 3. Les personnes qui produisent ce que j'achète travaillent-elles dans des conditions décentes? Sont-elles adéquatement rémunérées? Bénéficient-elles des droits élémentaires d'association, etc.? Il est en général difficile d'obtenir des réponses à ces questions. Raison de plus pour exiger de nos gouvernements des labels de qualité socio-écologique. 4. Pourquoi est-ce que j'achète ceci? Quels sont les mobiles qui me poussent à acheter? Un manque affectif, un désir de statut social, une peur maligne. 5. Puis-je consacrer à sa consommation le temps nécessaire, et cela sans arrière-pensée aucune? 6. Vais-je utiliser le produit suffisamment souvent pour en justifier l'achat? 7. Retirerai-je de cet achat un plaisir proportionnel aux ressources utilisées pour le fabriquer? Ces ressources sont de deux ordres, mon énergie de vie, que je vends contre mon salaire, et les ressources de la planète. 8. Dans quelles conditions écologiques la chose a-t-elle été produite, transportée, etc. 9. La consommation de cette chose, de ce produit, de ce service me rapproche-t-elle de mon but de vie? M'aide-t-elle à renforcer mes priorités ou me disperse-t-elle? Les hommes ne désirent pas être riches, mais simplement plus riches que les autres hommes. On consomme par comparaison aux autres 10. Puis-je posséder et utiliser cette chose sans qu'elle me possède ou aime-t-il? 10. Conclusion. 10 suggestions qui tiennent compte d'une prise de conscience et de notre nécessaire solidarité avec la planète entière et tous ses habitants. La Terre peut satisfaire aux besoins de chacun de nous, mais pas à l'avidité de tous. Quand on simplifie sa vie, l'impact bénéfique se répercute sur au moins 5 plans: l'environnement, la santé, la solidarité internationale et locale, les finances et la cohérence individuelle. Le dépouillement matériel constitue un enrichissement intérieur et surtout un allègement merveilleux. On ne simplifie pas sa vie dans la tour d'ivoire de sa petite existence personnelle, centrée sur son nombril. Il peut sembler ridicule de vouloir être dans un monde qui ne veut qu'avoir et qui en meurt sans le savoir, mais demain appartient déjà à tous ceux qui sont. Chacun de nous doit être le changement qu'il voudrait voir se réaliser dans le monde. Un chemin se crée en marchant. Quelques réflexions à lire avec un esprit critique, avec discernement, sans préjugés dogmatiques. La plus grande secte actuelle de notre monde ne serait-elle pas la pensée unique se cachant derrière de jolis mots comme économie de marché, libéralisme, croissance infinie? Hors de cela, point de salut. Le consommateur tel un mouton de panurge, doit-il consommer tout ce qu'on lui offre sous prétexte qu'il faut consommer? Doit-il participer à la grande fête des produits inutiles qui inondent le marché? Doit-il s'engager à ne plus penser, mais à dépenser dans une frustration et une insatisfaction permanente? Avoir assez ne signifie pas avoir la quantité minimum pour survivre, c'est la quantité exacte de ce qui donne une réelle satisfaction, sans excès. Avoir assez est donc l'état atteint par une personne qui s'est débarrassée de toute possession superflue, qui est riche. Définition: est riche celui qui sait qu'il est assez riche et sait le reconnaître. Vivre plus simplement, c'est découvrir l'immense joie qui naît quand on est l'acte ou le superflu matériel, certes, mais qui n'est que l'extériorisation de la peur ou du désir de paraître ou de s'affirmer. Comme si les choses pouvaient nous donner un surcroît d'être. Vivre simplement naît d'une certaine qualité d'être de la personne qui a hiérarchisé ses priorités et sait où elle va. C'est une prise de conscience que la vraie richesse est intérieure et n'a que très peu à faire avec des possessions matérielles. Vivre plus simplement se traduit par une certaine clarté, une sérénité, l'esprit consistant dans l'incroyable confusion ambiante, à vivre sa vie à partir de quelques règles, quelques grandes lois universelles très simples. Il y a deux façons de devenir riche. Accumuler de plus en plus de possessions ou développer moins les besoins et donc de désirer moins. Nous devons réaliser que toute possession entrebloque une certaine quantité d'énergie. Énergie que nous pourrions mieux investir autrement. La simplicité n'est pas le sacrifice. Ce n'est pas vider la vie de sa joie. Bien au contraire, la simplicité évite justement le ballast excessif qui s'oppose à la joie. C'est une concentration sur ce qui est le plus beau, le plus valable. Encore plus belle que la simplicité matérielle est la simplicité intérieure. L'esprit, rejetant l'encombrement et la confusion de l'hyperstimulation, de la dépossession de lui-même par les médias, devient conscient de l'essentiel. La simplicité est une prise de conscience qui permet d'organiser ses priorités de la vie et petit à petit d'élaguer le superflu des choses ou à queue de vide de sens, sans une culpabilisation, cette mafia de l'esprit. Vivons simplement afin que d'autres puissent simplement vivre, et si la réduction de la consommation matérielle était même la condition sine qua non de la redécouverte d'une qualité de vie perdue, de la reconquête du temps aliéné et une étape importante de la découverte de soi, du sens de la vie, de notre identité profonde. Ne sommes-nous pas devenus trop souvent décolonisés du désir ? De plus, la société de consommation n'a-t-elle pas tué chez tant de personnes la capacité à ressentir la gratitude ? De plus en plus de gens font le choix de vivre plus simplement parce qu'en diminuant leurs besoins, ils peuvent diminuer leur temps de travail. C'est donc avoir plus de temps pour s'investir dans ce qu'ils aiment vraiment faire avec les êtres qui leur sont chers. Existons-nous d'abord par les signes extérieurs de richesse et de prestige ou par notre capacité à aimer, à partager, à exprimer la compassion et manifester la joie de vivre ? Vivons-nous avec un projet de vie cohérent permettant à nos vraies richesses intérieures de s'exprimer et de s'épanouir ? Et l'étape essentielle de ce travail de développement personnel consiste à surmonter la peur du manque, manque de temps, manque d'argent, manque d'amour, de sécurité, de partenaires, de compétences, d'espace, de possibilités, d'occasions, de calme. La peur de manquer de est peut-être la peur numéro 1 de l'espèce humaine. En effet, devenir un consommateur constitue une des forces de transformation des plus puissantes de la planète. Quand les fourmis se mettent ensemble, elles peuvent transporter un éléphant, fût-il multinational. Chaque fois que nous faisons des achats, nous votons avec notre porte-monnaie pour un certain type de société. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen, celui qui ne veut rien faire trouve une excuse chaque jour dans le monde. On estime que 35 000 personnes meurent de suite de la faim, 1,3 milliard d'individus survivent avec moins de 1 dollar par jour. 20% de la population mondiale consomme 80% des richesses. Fin de ce consommateur. À bientôt. Grosse bise numérique.